إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله كثيرا ما يسألنا الله تبارك وتعالى في كتابه Au serviteur d'Allah, souvent Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, il nous interroge. فَإِنَّ السُّؤَلُ يُعِينُ الْمَرْءَ عَلَى فَهْمِ مَا يَنْفَعُ Car la question, l'interrogation, aide l'individu à comprendre ce qui lui est profitable. À qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Il dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ça amène le serviteur à s'interroger à qui appartient cela, qui mérite l'adoration. وَسُؤَلُنَا الْيَوْمِ أَيُّوَ الْإِخْوَ وَالْأَخَوَى Et notre question aujourd'hui aux chers frères et sœurs. مَا هِيَ أَسْبَابُ ضَعْفِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ Quelles sont les causes de la faiblesse de la communauté musulmane? وَمَا هِيَ أَسْبَابُ قِلَّةِ الْمُصَلِّينَ فِي الْمَسَاجِدِ Et quelles sont les causes qui font qu'il y a aussi peu de prieurs dans les mosquées? أَسْبَابُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًا وَمِنْ أَعْظَمِهَا عَدَمُ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Les causes de cela sont nombreuses, très nombreuses. Et parmi les causes les plus grandioses, les plus importantes, il y a le fait que les gens n'ont pas peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aw fihim naqs fi hadha al-bab. Ou alors, ils ont des manquements dans ce sujet, le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad bayyana Allah tabaraka wa ta'ala hadha al-amr fi kitabihi afdal al-bayan. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a expliqué cela dans son livre de la meilleure des manières. Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite l'histoire de Moussa et son peuple. Ya qawmi dkhulu al-ard al-muqaddasat allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ô mon peuple, rentrez dans la terre sainte. Rentrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Et ne vous retournez pas sur vos pas. Sans quoi vous allez faire partie des perdants. Al-Khasiri. Qalu ya Moussa inna fiha qawman jabbari. Il dit, oh Moussa, il y a dans cette terre, il y a là-bas un peuple de géants. Des géants terrifiants, on ne va pas rentrer là-bas. on y ressemble pas. Dans certains exégèses, comme dans le Bahraoui par exemple, ils disent qu'ils étaient tellement grands qu'ils pouvaient prendre les poissons dans l'eau et les mettre en échoui dans le soleil directement. Mais ce sont des Israéliens. Attention, ce sont les récits de Béni Israël. Nous les musulmans, on n'a pas le droit d'interpréter le Coran avec ça. Donc Al-Mouhim, ils étaient grands et terrifiants. Et donc le peuple de Moussa ne voulait pas obéir. وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ. Et nous ne rentrerons pas dans cette terre jusqu'à ce qu'eux, ils en sortent. Et quand ils seront sortis, à ce moment-là, on rentrera. Ils commencent à mettre des conditions. Ils mettent des conditions à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Deux hommes, juste deux, pas beaucoup, juste deux. Deux de ceux qui avaient peur. Ils avaient peur d'Allah. Et Allah les a comblés de ses bienfaits. Il leur a dit, rentrez par la porte. Ne rentrez pas par la fenêtre ou cachez. Non, rentrez par la porte. Et si vous entrez, alors vous serez vainqueurs. Et placez votre confiance en Allah si vous êtes croyant. Oh chers serviteurs d'Allah, si nous n'arrivons pas à faire confiance en notre Seigneur, nous ne pouvons faire aucun acte d'adoration. Tu ne pourras pas venir à la mosquée. Même venir à la mosquée, tu ne pourras pas. Pourquoi? Attends, si je viens à la mosquée, ça va me coûter combien d'essence? Ça veut dire que je ne peux pas aller au travail, si, ça, je fais les calculs, je perds combien d'argent, et donc, allez, on va aller à la mosquée qu'une fois par jour, parce que ça fait, pour l'essence, c'est mieux. Tu commences à faire des calculs comme ça. Il y en a d'autres qui vont faire d'autres calculs une fois par semaine. Chacun fait ses calculs. Pourquoi? Manque de tawakkul. On ne fait pas confiance à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on n'a pas suffisamment peur de lui. Et d'ailleurs, lorsque tu vas conseiller les gens, tu lui dis, Yahri, call Allah, Allah il a dit. Oui, oui. Le messager d'Allah il a dit. Oui, oui, oui. Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce qui se passe? Tant que la personne n'a pas peur, elle ne va pas profiter du livre d'Allah. فَمَدَمَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلُ أَوْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَا يَخَافُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَنْتَفِعَ مِنْ كَلَمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. لذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit à son prophète, وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Et averti par celui-ci. Par quoi? Par le Coran. Averti qui? Tout le monde? Non, il n'a pas dit tout le monde. Averti ceux qui ont peur d'être rassemblés devant leur Seigneur. Averti-les. Les salahou min dounillahi waliyou wala shafir. Durant ce jour-là, ils n'auront ni alliés, ni intercesseurs. Personne ne va venir t'aider. Aucun clan, aucun secoureur. Personne ne t'aidera face à Allah tabaraka wa ta'ala. La'allahum yattaqoun. Afin qu'ils craignent. Et qu'ils suivent la piété et la droiture. Al-insan miskin da'if. L'être humain, il est pauvre, faible. On lui donne des enfants, il se croit fort. Yuzakou alayk. يظن نفسه قويا يعطى مالا يظن نفسه قويا شديدا. On lui donne un peu d'argent, il se croit fort et puissant. هؤلاء الملائكة مع قوتهم يخافون الله تبارك وتعالى ولا يعصونه. Ces anges, malgré la force qu'Allah تبارك وتعالى leur a accordée, ont peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jibril alayhi salam rafa'a Medina al-Kamila. Jibril, il a levé une ville entière. Une ville entière, il a retourné. Malgré cela, il a peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans son livre: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ. Et c'est pour Allah que tous les êtres qui sont dans les cieux et sur la terre se prosternent, ainsi que les anges. Ainsi que les anges. Pourquoi? يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ils font ce qui leur est ordonné. فَأَمَّلُوا الرَّبِيطَ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالطَّاعَةِ. Méditez le lien qu'il y a dans ce verset entre la peur et l'obéissance. Ils ont peur de leur Seigneur, ils font ce qui leur est ordonné. Ils ont peur de leur Seigneur, ils obéissent. Si tu vois que tu as du mal, إِنْ رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ نَقْصًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَتَأَمَّلْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذِهِ النُّقْطَةِ. Si tu vois que tu as du mal à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, alors médite sur ce point-là. Le fait d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَتَأَمَّلْ كَذَلِكَ فِي وَصْفِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. Et médite aussi comment Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les pieux dans son livre. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. Ceux-là sont ceux qui invoquent. Ils espèrent avoir un moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Lequel d'entre eux sera le plus proche? Ils se concurrencent dans le bien. Ils espèrent sa miséricorde et ils ont peur de son châtiment. Et donc ne sois pas comme ceux qui espèrent la miséricorde et ils n'ont pas peur. Ils désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais au contraire, délaisse le péché. وَتُوبْ إِلَى اللَّهِ رَفَنْتُوَا اللَّهِ. Et dit Allah est rafour rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. أَكُلُّ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ رَفُورُ رَحِيمُ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, عباد الله, اعلموا أن عدوكم إبليس حريص على تخويف الناس منه ومن أوليائه. Ô serviteur d'Allah, sachez que votre ennemi, Iblis, Shaitan, il s'efforce d'effrayer et de faire peur à les gens. Il les fait peur de ses alliés ou de lui-même. لِيَتْرُكُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ. Afin que les gens délaissent ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, leur a ordonné de faire. فَتَأَمَّلُوا فِي هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ. Alors méditez quant à la situation des compagnons. كَانُوا فِي حَالَةٍ مِنَ الضَّعْفِ. Ils étaient dans une situation de faiblesse. فِيهِمُ الْجَرِيحِ. Il y avait parmi eux ceux qui étaient blessés. وَفِيهِمْ مَنْ لَا يَجِدُوا مَا يُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهِ. Il y avait parmi eux ceux qui ne trouvaient pas de quoi se défendre pour pouvoir se protéger. فَانْتَهَزَ النَّاسُ هَذِهِ الْفَرْصَةِ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. Alors les gens ont saisi cette occasion pour pouvoir mettre fin à l'islam et aux musulmans. Ils sont faibles, ils sont blessés, ils n'ont rien pour se protéger. C'est le moment. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Ceux dont les gens ils leur ont dit, certes les gens se sont unis, ils se sont rassemblés contre vous. Alors, ayez peur de... Le Shaitan, il veut faire peur des gens. Ayez peur d'eux. فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Alors, cela a augmenté leur foi. Cela a augmenté leur foi. Lorsqu'on leur a dit, les gens vont vous faire du mal, cela a augmenté leur foi. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Et ils ont dit, Allah est notre garant. Allah nous suffit et quel bon garant. Peu importe les ruses des hommes, peu importe ce que les gens peuvent faire pour nous faire du tort, nous n'avons peur que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qui s'est passé alors? فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. Alors, ils se sont retournés avec, ils sont repartis avec les bienfaits d'Allah. Et une grâce venant de lui. لَمْ يَمْسَكْهُمْ سُوءٌ. Aucun mal ne les a touchés. Aucun mal ne les a touchés. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. Et ils ont suivi les causes de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, oh chers frères, nous devons avoir peur d'Allah, ne pas avoir peur des gens. Lorsque quelqu'un te pousse à désobéir à ton Seigneur pour gagner de l'argent, n'obéis pas. Obéis à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. الشيطان يخوف الناس من الفقر. الشيطان يفيد peur aux gens de la pauvreté. Il leur fait peur de la pauvreté. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان il vous fait peur de la pauvreté et il vous incite aux turpitudes. Si tu fais telle chose, je ne te donne pas de salaire. Si tu fais ta prière, je ne te donne pas de salaire. Si tu portes ton voile, attention. Si tu fais attention. Et donc la personne, elle a peur. Shaitan vient la voir. Comment tu vas faire vous payer le loyer à la fin du mois? Qui ça c'est de faire? Un samiskin d'aïf. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, il lui accorde une issue et il lui accorde une subsistance de là où il ne s'attend pas. إذن يا عباد الله علينا بخوف الله تبارك وتعالى. Ô serviteurs d'Allah, nous devons avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala et revenir vers son obéissance, revenir à la mosquée. Que cette mosquée soit plus pleine que cela, notamment au bord de l'Asr où il n'y a personne ou presque personne. علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى لهذه النعمة. Nous devons remercier Allah tabaraka wa ta'ala par ce bienfait qu'il nous a accordé. Et le remerciement se fait par les actes, pas que par la parole. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا أن ينصرنا وأن يهدينا وأولادنا ونساءنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.